الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يدمونتر أن هذه الحياة الدنيا متاع c'est une étape. Et l'objectif de chaque muslim, walillahi alhamd, c'est l'akhira. Wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Ay, l'éternité. Fa dar al-dunya, c'est pour l'amal. C'est pour faire des œuvres, pour préparer l'objectif, le but à l'akhira. Fa lihada qala jalla wa ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. فالله سبحانه وتعالى il nous a créé pour l'ibada. فهذه الدنيا, ce bas monde, ce n'est pas pour manger, faqat, dormir, avoir des enfants, travailler. C'est pas ça le but. Ces choses, et l'ibada bil-akhas, c'est pour préparer l'akhira, l'au-delà. إنما هذه الحياة الدنيا متاع. Fais attention, Akhil Karim, de ne pas œuvrer que pour Dunya. Fais attention, Akhil Karim, de oublier l'objectif, le but, l'akhira. Wa inna l'akhirata hiya darul qarar. Fais nos efforts, notre adoration, notre but, ça doit être pour darul qarar. Et cette demeure éternelle, cette demeure que Allah subhanahu wa ta'ala, il récompensera certains pour leur iman et leurs actions, et il châtiera d'autres pour leur kufr et leur désobéissance. Wa awwal manazil al-akhirah, la première étape après la mort. Lian al-akhirah, ça commence pour chacun après la mort. Ay intiqalun min dar ad-dunya ila al-qabr ila al-akhirah. Donc la première étape, awwal manazil al-akhirah, al-qabr, la tombe. Chacun de nous y passera par cette étape. Chacun de nous y goûtera à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nous, dans cette kalima, al-mukhtasara, on se conseille avec nos frères et on se rappelle cette étape. Li'anna, ce qui fait du mal au muslim, jiddan, dans son din, et kadhalik fi dunya, ce qui lui fait du mal jiddan, c'est al-ghafla. C'est oublier l'insouciance. Il y en a celui qui oublie cette étape, ce jour. Enfin, il ne se préparera pas pour ce jour. Et il se fera avoir par ذلك المتاع qu'on a cité dans le verset. فقط, il prend du plaisir. Il pense que dunya, ça ne s'arrêtera pas. حتى يأتي الموت et il est à la rafla, ثم il regrette. On se conseille wa dhikra tanfa' al-mu'minin et on se rappelle cette étape al-muhimma al-qabr, la tombe. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadat. Rawa l'imam al-Bukhari rahmatullah alayhi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal idha wudi'at al-janazah واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها. Ça, ça te montre, Akhil Karim, Anna, les gens, les personnes, ils sont divisés en deux catégories. Sa'idun wa shaqi. Quelqu'un qui sera heureux et quelqu'un qui sera malheureux. Quelqu'un qui sera dans ce mawqif, il sera pressé de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, de profiter de la récompense, et un autre qui regrettera. فَإِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةِ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالِ. Cette étape, l'akhirah, elle commence à partir de ce moment. Cet homme, cette femme qui meurt, إِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةِ, quand on pose son corps et on le transporte, وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ, et les hommes, ils vont transporter cette janaza et ce mort pour l'emmener dans sa tombe. La première étape qui débute. وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً. Le début de l'étape, إِنْ كَانَتْ صَالِحَةً, si cette personne, c'est une personne pieuse. إِيمَانٌ وَعَمَلٌ وَمَحَبَّةٌ لِلدِّينِ وَمَحَبَّةٌ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il aime le din, il applique autant qu'il peut, il fait des efforts. Il aime أهل الخير. فهذا, qu'est-ce qu'il va dire? قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي. Hey, dépêchez-vous, précipitez-vous. Il est heureux de rencontrer cet endroit pour trouver sa récompense. Et c'est là, Akhil Karim, que tu vois l'importance des œuvres. Et c'est là que tu vois que les efforts que tu fais fi dunya, la takhaf. Un jour viendra de justice où tu seras récompensé bi'idnillahi jalla wa'ala. Fasbir ala ta'a. Lianna fi hadhihi dunya, rubama cet effort que tu fais dans ton din pour apprendre ta religion, ces sacrifices que tu fais, faroubama, dans certains endroits, il y a ta'anouna fik. Rubama, t'es accusé. Rubama, tu te fais, ils se moquent. Rubama, tu te fais insulter. Esbir. Si t'es à la sunnah, si t'es à la tawhid, si tu appliques ton din, les accusations, les rumeurs, les insultes, bi'idnillahi azza wa jal, ça te fait aucun mal. Les anna, dans ce moment important, ça te sera utile. Qaddimouni. Qaddimouni. Ay, dépêchez-vous de m'emmener dans cette demeure. Wa in kanat ghayra saliha. Kafirun. Mujrimun. Il se moque du din, il combat le din, il combat le mu'minin. Il donne aucune importance à cette religion. Il pensait que sa vie c'était ad-dunya faqat. Il a oublié cette étape. Fayaqulu ya waylaha. Ya waylaha. Al-wayl, c'est le malheur, il se maudit lui-même. Wal-iyadu billah. Ya waylaha, aina yadhhabuna biha. Où est-ce que vous m'emmenez? Qala sallallahu alayhi wa sallam, yasma' sawtaha kullu shay. Illa l'insan, walau sami'aha sa'iq. Toute chose, elle entend cette janaza, ce mort qui parle, sauf l'insan. L'anna, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, anna l'insan, s'il entendrait hada, Rubama, il tombe, il s'évanouit, il perd connaissance. Léana, c'est un mawqif, il est chadid. Ya waylaha, aina yadhhabuna biha. Chacun, on traversera cet état. Ta'ammal jayidan, avant de rencontrer, avant débuter cette étape, fais les efforts pour que tu fasses partie de As-Su'ada. Qaddimouni, qaddimouni. Wa rawa l'imam. الترمذي عن هاني مولى عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. عثمان الصحابي الجليل رضي الله عنه, il s'est marié avec deux des filles du prophète صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة, il lui a annoncé, il était vivant, qu'il faisait partie de أهل الجنة. مع ذلك كان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى. Quand il se tenait debout devant une tombe, il pleurait رضي الله عنه. لماذا؟ Pourquoi؟ حتى يبل لحيته. Tellement qu'il pleurait, il trempait sa barbe avec ses larmes رضي الله تعالى عنه. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. Ils ont posé à Uthman cette question, quand on cite الجنة والنار, tu pleures pas. Al-Janna, le paradis, An-Nar, l'enfer, tu pleures pas. Et quand on parle du Qabr, ou tu te retrouves devant une tombe, tu pleures. فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ. La tombe, C'est la première étape parmi les étapes de l'akhirah. فقال فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. Ça montre fiqh, Uthman. Ça montre la compréhension qu'il a. Il a compris, il y a cette étape. Si tu débutes bien, cette étape, elle commence bien. Enfin, tout ce qui viendra après, ça sera bon. Bi'idnillahi jalla wa ala. Si cette étape, elle commence mal, tout ce qui viendra après, ça sera mauvais. Donc, en tant que musulman, en tant que croyant, on doit faire des efforts sur ce point. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés comme des animaux. On se marie, on mange, on dort, et on ne fait aucun effort pour notre dîn. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour un but précis, al-ibada, pour qu'on l'adore. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé une récompense pour celui qui l'adore. Une récompense, azim. Dans le qabr, dans la tombe, puis, fi al-jannah. Donc, akhi al-karim, ihdhar min al-ghafla. Fais attention, min al-ghafla, d'être insouciant. D'oublier ce jour, de ne pas le préparer. Li anna, cette étape, l'un, tu seras tout seul. Cette étape, quand ta janaza, ton corps, il sera déposé pour qu'on le transporte, pour l'enterrer dans ce trou, tu seras tout seul. Ni femme, ni enfant, ni bien, ni ami. Voilà, ahad. Tes œuvres et ton iman, ma'ak. Tout ça en espérant rahmatallahi azza wa jal. Wa qala Uthman, radiyallahu an, wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma ra'aytu manzaran qat illa al-qabr afdha'u minhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai jamais vu une chose qui fait peur comme al-qabr. Ma ra'aytu manzaran qat illa al-qabr afdha'u minhu. Il n'y a aucun doute sur ça. Et après des années passées fi dunya, cet être humain avec ses enfants, avec sa femme, avec sa famille, avec ses biens, avec ses amis, et il profitait. Enfin, du jour au lendemain, il se retrouve dans ce trou, tout seul. Enfin, là, chacun a, c'est un mawqif, il n'est pas seul. Sauf pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. فَلْنَحْذَرْ جَمِيعًا أَنْ نَغْفَلْ عَنِ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. فَلْ حَقِقَ الْعَقِلِ. Celui qui a la raison saine, il est à l'al-fitra, et il connaît son din. Là, chacun a, il va faire des efforts pour préparer cette étape. Ils ont une épreuve, un examen ou autre, et un moment important pour lui, il se prépare. Il se prépare avec son argent, avec son temps. Ce moment, c'est pas un examen de dunya. Là, ce moment, c'est un moment, c'est le plus important pour l'insan. Après sa mort, directement, cette étape. Al-qabr. Fa'innaka mayitun akhil karim la mahala. Donc, on passera tous par cette étape. Personne de nous, abadan, il peut dire, ou il peut essayer de croire, annahu, il sera épargné. Kullu nafsin dha'iqatul maut, fasta'id li hadha al-yawm. Prépare-toi pour ce jour. Qala jalla wa ala, hatta idha ja'a ahadahum al-maut, qala rabbi irji'un. Hakadha al-kafir. Ce kafir l'an, que tu vois, que tu entends, annahu il combat l'islam, annahu il se moque, annahu il pense qu'il ne lui arrivera rien, annahu il est en sécurité. Isma, Rabbuna Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créé, qui a créé ce kafir, yaqul hatta idha ja'a ahadahum al-maut, ay al-kuffar. Si un d'eux, il meurt, qala rabbi irji'u. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de revenir. Alors qu'il se moquait, alors qu'il était contre, alors qu'il disait, je suis libre, je ne me soumets pas. Tout ce qu'elle aime que t'entends l'âne, min al-kufa, au moment de sa mort, quand il meurt, et il commence cette étape, et yaqul rabbi irji'un. Pourquoi il veut revenir? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qala jalla wa ala, qala rabbi irji'un, la'alli a'mal salihan fima tarakt. Son espoir, son désir, son souhait, c'est de revenir. Pourquoi? La'alli a'mal salihan. Il veut appliquer le sunnah. Il veut appliquer le tawhid. Il veut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut s'écarter des péchés. Il veut s'écarter du kufr. La'alli a'mal salihan fima tarakt. Tu profites un tas et tu comprends de ce verset avant d'arriver à cette étape, la mort, et ne pas être comme Ha'oula wal iyadu billah qui regrette et qui veut l'appliquer, applique maintenant. Applique maintenant, c'est une force azim. T'es en vie, walillahi alhamd, t'as la bonne santé, al-khayr il est mawjoud, tu peux apprendre. Enfin, applique. Hatta tu ne fais pas partie de Ha'oula, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiyah. Qala, la'alli amal salihan fi ma tarakt. Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre que c'est des menteurs. Qala azza wa jal, kalla. إنها كلمة هو قائلها. C'est seulement une parole qui dit. Et صحيح. Pourquoi ce kafir الآن il applique pas? كثير منهم ils connaissent le haq. Le haq il est واضح. Ils connaissent l'islam. Ils font que se moquer et combattre هذا الدين. Ce moment, cette étape, أنه il veut revenir pour appliquer. قال جل وعلا كلا. إنها كلمة هو قائلها. C'est seulement une parole qui dit. C'est pas des personnes de confiance. أبدا. قال جل وعلا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. Il reviendra pas. أبدا. Personne ne reviendra. بل الله سبحانه وتعالى démontre أن من ورائهم الآن l'étape qui les attend, c'est un barzakh. Al barzakh c'est l'étape entre cette vie et la résurrection. Et la tombe. Ça s'appelle دار البرزخ. قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ. Et à partir de ce moment, un barzakh, cette étape. إلى يوم يبعثون jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه أي من أمامهم وبين أيديهم برزخ وهو الحاجز بين الشيئين فهو هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة. Cette étape après la mort jusqu'à la résurrection. القبر. قال رحمه الله وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعون ويعذب العاصون. Cette étape الآن c'est la première étape في الآخرة. Ay darul jaza. Il n'y a plus d'œuvre. Il n'y a plus de amal. C'est la demeure des comptes. Les questions fil qabr, comme on va voir l'an, bi'idnillahi jalla wa ala. La récompense. L'an, les efforts que ce mu'min, il a fait fi dunya, il récoltera dans sa tombe. Ce kufr, cette mécréance, ce combat de l'islam, cette haine contre din, et délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce kafir, il récoltera dans sa tombe. Jour de justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Donc, celui qui veut du khayr, celui qui est conscient, celui qui réfléchit, il applique pour ce jour. Tout ce qu'il fait, c'est pour ce jour. Wa la yaghtar bil hayat ad-dunya. Qul mata'u ad-dunya qalil. Ad-dunya, qu'est-ce que tu vas gagner de dunya? Des choses qui sont éphémères, des choses qui ne restent pas. أما في القبر ثم في الجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة سلا ريكومبونس إترنيل. وفي حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم selon حديث كمعروف كي ديكري لا تومب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديتاي ما يتعلق بهذه المنزلة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديتاي ست إتاب فنقرأ. Le but c'est de comprendre, le but c'est que ça nous encourage, le but كذلك c'est que ça nous fasse peur أي من العذاب. Donc الثمرة de ce genre de cours, de ces lectures, c'est pas une information فقط. Là, le fruit ça doit être des عمل. قال صلى الله عليه وسلم أو البراء ابن عازب رضي الله عنه قال صحابي جليل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. Donc, certains compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, parmi eux, Al-Bara ibn Azib, رضي الله تعالى عنه, ils sont partis faire salat sur une janaza avec le prophète صلى الله عليه وسلم. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. Il n'a pas été fini d'être préparé. اللحد, c'est une façon de creuser la tombe. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. Ça montre le comportement de هؤلاء الأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم s'assit, se sont assis autour de lui. على رؤوسهم الطير. كأن على رؤوسهم الطير. Tellement qu'ils étaient concentrés, tellement qu'ils étaient calmes, tellement qu'ils écoutaient le Nabi صلى الله عليه وسلم, un oiseau il aurait pu se poser sur leur tête. هكذا celui qui veut le خير. Ne te détourne pas, tu te feras du mal qu'à toi-même. Ha'oula al-akhiyar, ils ont fait des efforts, ils ont patienté, et bi'idnillahi azza wa jal, yuna'amoun, yun'amun éternellement. Mais celui qui se détourne, il se fait du mal à lui-même. قال رضي الله تعالى عنه وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a levé la tête et il leur a dit استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. Conseil de notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ce nabi, ce rasoul que le prophète صلى الله عليه وسلم il a envoyé رحمة pour tout le monde, il te conseille استعيذ بالله من عذاب القبر. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم il donnait de l'importance à ce sujet. مرتين أو ثلاث. Deux fois ou trois fois il leur a dit demandez protection contre عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن. Il va détailler الآن le مؤمن dans son قبر, le croyant, le musulman. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. Donc ce مؤمن ملائكة من السماء, des anges من السماء descendent avec un kafan, un tissu pour envelopper son mort avec hanoutun min hanout al-jannah, ay tibun, ay un parfum. Et ha'oula al-malaika wujuhum bayd, comme le shams, leur visage, ils sont resplendissants comme le soleil. Bushra lil-mu'min annahu les souffrances fi dunya, la patience, les efforts, al-an la récompense. Annahu il est accueilli par ha'oula al-malaika. قال صلى الله عليه وسلم حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت. فيجلس منه مد البصر أي سيزون ثم ملك الموت vient. قال ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول. الآن ملك الموت l'ange de la mort qui est chargé de récupérer les âmes, il vient عند رأس هذا, ce musulman الآن qui va mourir, فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. بشرى pour ce مؤمن أنه il dit à son âme de sortir pour aller où, مغفرة من الله ورضوان, أي le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. بشرى أن cette dunya ربما تعب فيها, et il est en difficulté, il était fatigué. Al-an, après la mort, ça commence le repos pour le mu'min. Ça te montre anna, le but et l'objectif de chaque mu'min, ça doit être hada. Qala sallallahu alayhi wa sallam, فَتَخْرُجْ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السَّاقِ أَوْ السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Cette âme du mu'min, elle sortira de ce corps comme une goutte. Comme une goutte qui coule d'un récipient, mathalan. Cette goutte, elle sort très facilement. C'est fluide. قال صلى الله عليه وسلم فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. Elle ne reste pas le temps d'un clin d'œil dans les mains de Malakul Maut. ثم, ces anges qui sont descendus avec le tissu parfumé, ils récupèrent cette âme. قال حتى يأخذها يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة أو نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Le tissu, il a une bonne odeur, et l'âme de ce mu'min, elle a une bonne odeur. قال صلى الله عليه وسلم فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. Cette âme, ces anges, ils vont monter en direction du ciel, et à chaque fois qu'ils vont passer vers un groupe de malaïka, des anges, ils vont demander c'est qui هذا الروح الطيب, c'est qui cette personne avec cette âme طيبة. قال صلى الله عليه وسلم فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له. Ces anges avec cette âme, ils vont arriver au niveau de السماء الدنيا, le premier ciel, et ils vont demander la permission de pouvoir monter, que les portes du premier ciel elles s'ouvrent. فيفتح لهم, Il demande la permission elle leur a accordé, les portes elles s'ouvrent. قال فيشيعه من كل سماء ومقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. À chaque fois qu'il passe, il traverse le premier ciel, le deuxième, le troisième, jusqu'au septième, il est accueilli par les anges. Cette bonne odeur, et il est interpellé par son nom, Fulan ibn Fulan, Bushra pour le mu'min. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وَأَعِدُّوهُ إِلَى الْأَرْضِ. Vous vous rappelez du athar de Uthman. Si cette étape, elle commence bien, elle est bonne, tout ce qui viendra après, ça sera bon. اُكْتُبُوا كِتَابِي عَبْدِي هَذَا فِي عِلِّيِّينَ. Et ce abd, il est enregistré fi عِلِّيِّينَ, fi الْجَنَّةِ. Lakin, il doit retourner fi l'ard. Cette âme, elle retourne dans ce corps. لِأَنَّهُ, il doit attendre la résurrection pour pouvoir rentrer الْجَنَّةِ. Donc, cette étape, al-barzakh, de la mort jusqu'à la résurrection. قال عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين واعدوه الى الارض فانني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. On a été créé de terre et on retournera dans la terre et on sera ressuscité de cette terre. عباد ضعفاء لولا رحمه الله عز وجل on peut rien faire. فلماذا الكبر؟ Pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi le mukhalafat? Pourquoi accuser le mu'minin? Pourquoi ne pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors que ce abd, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé pour un but précis. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قَالَ sallallahu alayhi wa sallam فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. Après que cette âme, elle est avec le malaïka, ils sont montés إلى السماء السابعة, ils redescendent et l'âme, elle retourne dans son corps. فيأتيه ملكان فيجلسانه. الآن l'étape de la tombe. Vous avez vu la mort. ثم cette âme elle est transportée إلى السماء الدنيا. La permission elle monte jusqu'au septième ciel. Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne de décrire cet homme ou cette femme mu'min ou mu'mina pour le jannah. ثم il retourne dans sa tombe. Les deux anges ils viennent. Et la première étape elle commence à القبر. قال صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان فيجلسانه. Deux anges qui viennent voir ce mort dans sa tombe et ils le font s'asseoir. Et هنا ننبه أن المؤمن إلى عقيدة كما جاء في القرآن وفي السنة أن القبر البرزخ c'est دار الآخرة. C'est incomparable avec دار الدنيا. لماذا on fait cette précision? لأن ربما après la mort si tu viens à creuser tu verras rien de tout cela. لكن الحذر أيها المؤمن من عقيدة الكفار أنهم يقولون tant que j'ai pas vu, je crois pas. احذر. لأن tout ce qu'on cite c'est حق. C'est من وحي الله جل وعلا. أوحاه سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Tu dois avoir aucun doute في هذا. لأن بعض الكفار الآن ils savent que parmi la croyance des mu'minin, c'est la tombe, le châtiment de la tombe, les délices de la tombe, etc. Là, qu'il pardon, il y a quoi? On n'a jamais rien vu. Pardon, il dit c'est des khurafat, c'est pas vrai. Ihdar. Tout ça, c'est haq. Là, qu'il ces choses, c'est dar al-akhira. C'est une autre demeure. C'est pas les mêmes ahkam que fit dunya. Tout ça, nous, on peut pas y voir, on n'y entend pas. Là, qu'il le mort, il vit cette chose. Étape par étape. Fahdar. Fahdar, min. تلبيسات وتشويش الكفار. قال صلى الله عليه وسلم فيقولون له. Les deux anges ils disent à ce mort من ربك. Première question. من ربك. فيقول ربي الله. Ce mu'min il répond ربي الله. Dans ce moment c'est l'ikhlas qui parle. C'est la sincérité. C'est la véracité. C'est les efforts de ce mu'min. في هذا الحال le fruit il répond. Il n'y a pas de mensonge ce jour-là. أبدا. قال صلى الله عليه وسلم فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام. Cet islam qu'il aimait tant, cet islam il a patienté, il s'est accroché. الآن le fruit. Il lui demande c'est quoi ton dîn? دين الإسلام. لماذا? لأن il a vécu sur l'islam. Il a vécu en appliquant l'islam. Il est mort sur l'islam le jour de cette épreuve, fitnatul qabr, ces questions, il peut répondre. لماذا? لأنه il a fait des efforts et il avait la certitude. علم وعمل إيمان وعمل. قال صلى الله عليه وسلم فيقولان له les deux anges, troisième question qu'il lui pose, ما هذا الرجل الذي بعث فيكم, c'est qui cet homme qui vous a été envoyé. فيقول أي المؤمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, cet homme, ce rasoul qu'on doit aimer plus que nos enfants, plus que nos biens, plus que nous-mêmes. Les anges lui demandent et il peut répondre, Rasulullah. لماذا لأنه il aime le rasoul, لأنه il suivait le rasoul autant qu'il pouvait, لأنه il détestait ceux qui se moquent du rasoul, لأنه il savait que le rasoul sallallahu alayhi wa sallam c'est le guide pour toute l'humanité. Il peut répondre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si la question lui est posée. فالحذر الحذر بعض الناس الآن ربما النبي صلى الله عليه وسلم il se fait insulter, il se moque, les caricatures ou autres. Tu trouves واحد qui se dit musulman et يقول ils sont libres, يقول pourquoi vous les critiquez. أَيْنَ مَحَبَّتُكَ لِنَبِيِّ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Tu dois détester ceux qui se moquent, ceux qui ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, كَاِنَنْ مَنْكَ. حَتَّى dans le qabr, quand on te pose cette question, tu pourras répondre. C'est qui cet homme qu'on vous a envoyé? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فَيَقُولَنْ وَمَا عِلْمُكَ. Comment tu sais que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? فَيَقُولْ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ. Les trois questions, الآن. C'est quoi ton ilm? Pourquoi t'as répondu ça? Ça montre que cette réponse elle est fondée sur la véracité et sur les œuvres. يَقُولْ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ. J'ai lu le Coran. Il a lu sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a appliqué فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ. Il a cru, il a appliqué الآن. Les réponses, c'est les fruits de son ijtihad, des efforts qu'il a fait fi dunya. Fi hadha al-hal, leur soi-disant liberté, leur soi-disant fraternité, leur soi-disant démocratie, leur soi-disant laïcité, tout ça, ça t'est d'aucune utilité. Indallahi azza wa jal. Ce qui te sera utile, c'est l'amal bil-Qur'an wa sunnah. Fahdhar. Fahdhar. Léanna, cette étape-là qu'on lit, on est tous concernés. On sera tous, imma dans le premier groupe, al-mu'minoun, imma dans le deuxième, on nasse Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Et les causes pour faire partie du premier groupe, al-mu'minoun, al-su'ada, ce que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous démontrer l'an, les délices, la récompense qu'ils vont recevoir, c'est al-amal bil-Qur'an, wa al-iman bihi wa tasdiq ma ja'a anillahi azza wa jal. C'est cette croyance et al-amal. Ihdhar kadhalika akhi al-mu'min, de penser que l'islam c'est faqat une appartenance, une étiquette. Je suis musulman. Et les œuvres ne suivent pas. هذا لا ينفع. Ce qui est utile, c'est de œuvrer et ces œuvres sont basées sur l'ilm. قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ. Donc, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts. في هذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ. Cette épreuve عظيمه, elle est finie pour ce croyant. Il a répondu. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ فَيُنَادِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ. أي un cri مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et cette voix élevée تقول ce abd il a dit la vérité, ce abd il a réussi la récompense. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. أَفْرِشُوهُ أي فراش مِنَ الْجَنَّةِ dans son قبر. قال وَأَلْبِسُهُ مِنَ الْجَنَّةِ أي des vêtements مِنَ الْجَنَّةِ. Il est dans son قبر. أي الآن il a une récompense. كذلك في الحديث أنه يُفْتَحْ لَهُ بَابًا. أي une porte, une fenêtre elle est ouverte إلى الجنة. Et وَلِلَّهِ الْحَمْدِ رِيحَ الْجَنَّةِ وَسَوْنَ odeur il la ressent tous les jours dans sa tombe. أي le début de la récompense. Avant qu'il soit ressuscité pour qu'il puisse rentrer في الجنة. هذا حال المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره حتى son قبر il est élargi. Et on répète أن هذه c'est من أحكام الآخرة ربما نحن en tant que vivant on voit pas ça. لكن نؤمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a informé. فيفسح له في قبره مد بصره. أي son قبر il est élargi à la portée de sa vue. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. Ce jour que tu attendais أيها المؤمن الآن أبشر. Cet homme qui est avec lui dans sa tombe, il lui annonce la bonne nouvelle. Cet homme qui a cette apparence, un bon visage, des bons vêtements, une bonne odeur, fayakoul, aïl mayit, aïl ce mu'min qui est dans sa tombe, yakoul man ant, aïl pose la question, t'es qui anta, aïl à cet homme, fawajhuka alwajha alladhi yadi'u bil khayr, il sait que cet homme, son visage, il montre le bien. Fayakoul ana amaluka salih. Et je suis tes bonnes œuvres. Donc tout ce que tu fais, Akhil Karim, dans cette dunya, c'est pas perdu. Tant que tu es sincère, tant que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, abshir bil khayr. Fid dunya wa fil akhir. Patiente, faqat. Ne désespère pas. Tu sais, walillahi alhamd, que tout ce que tu fais, si tu es sincère et tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras le fruit fi qabrik. Fayakoul ana amaluka salih. Et ses œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala, il les met en forme d'un homme tayyib qui lui tient compagnie fi qabri. Fayaqul, et le mu'min, qu'est-ce qu'il dit après tout cela? Rabbi aqim sa'a. Hatta arji ila ahli wa mali. Après tout ça, ce mu'min, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yuqim sa'a, et que le jour de la résurrection, le jour du jugement, il commence, hatta il retourne chez sa famille et vers ses biens. Aïe fil jannah. Tout ça pourquoi les anas mu'min il a fil khayr. Fahadihi hiya al hayatu al haqiqiyya al tayyiba. C'est ça la vraie vie, akhi al-karim. C'est ça la vie éternelle qu'on recherche. Amma cette dunya al-an, c'est une étape, faqat. Qala jalla wa ala, wa ma hadihi al hayatu al-dunya illa lahwun wa la'ibun. Cette hayat al-an, c'est lahw, faqat, c'est des distractions. Un jour t'as de l'argent, un jour t'en as pas, un jour t'es en bonne santé, un jour t'en as plus, un jour Fulan il est d'accord de toi, avec toi, un jour Fulan il te critique. C'est ça cette dunya. Amma al-akhira qala azza wa jal, wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Lahiya al-hayawan, ça vient de l'hayat, et c'est la vraie vie. Law kanu ya'lamun, lakin pour celui qui a le ilm, pour celui qui est sincère, pour celui qui a la certitude, celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, il a les informations de cette vraie vie. Dans Hadith al-Bara qu'on vient de lire, et autres. Qal ibn Kathir, rahmatullah alayhi, ay al-hayatu da'ima, al-haq, alladhi la zawala laha, wa la nqida, bal hiya mustamirra, abad al-abad. C'est ça la vraie vie. Éternelle, elle ne s'arrêtera jamais. Amma, qu'est-ce que tu veux de cette dunya? À tout moment tu peux mourir, à tout moment tu peux être touché d'une épreuve, d'une maladie, de la pauvreté. À tout moment, tu peux tout perdre. Enfin, ce qui reste fiha des dunya et l'essentiel, c'est ton din. Ne t'accroche pas au matériel. Ça te sera d'aucune utilité, fi qabrik, tu seras tout seul. Accompagné de tes œuvres. Lakin, les questions qu'on peut se poser l'an, c'est quoi l'asbab? Allati qama biha had al-abd. C'est quoi l'asbab l'an? Pourquoi cet homme, ce mu'min, il est récompensé et il a réussi. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. C'est quoi le sabab? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. C'est l'istiqama. C'est son تمسك بالسنة. C'est son accrochement de la vérité. C'est son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son amour de la science et de l'ulama. C'est son amour des assises de ilm, c'est tous les efforts qu'il a fait fit dunya. C'est ça qui lui a été utile après la rahma d'Allah azza wa jal. فهذا النعيم c'est min fadlillah jalla wa ala. كذلك c'est asbab al-a'mal. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت اذا وضع في قبره. Ça c'est pour te montrer l'importance des œuvres. الميت اذا وضع في قبره, si le mort il est dans sa tombe, انه يسمع خفق نعالهم حيث حين يولون عنه فإن كان مؤمنا. Donc ce mort, quand il est dans sa tombe, il entend les pas de ceux qui l'ont enterré partir. Tu resteras tout seul. لكن si t'es un مؤمن, t'as fait des efforts, أبشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الصلاة عند رأسه. La salat qu'il a préservée en son temps avec le jama'a pour les hommes, il était sincère, il a patienté, il ne l'a pas délaissé à cause du travail ou autre. Là, as-salat, il lui donnait l'importance. Qala, kanat as-salat inda ra'sih. La salat, il la trouve vers sa tête. Wa kana as-siyam an yamin. As-siyam, il s'est préservé, il a patienté, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, il trouve ce siyam an yamine, à sa droite. Wa kanat az-zakat an shimalihi, az-zakat à sa gauche. Wa kana fi'l al-khayrat min as-sadaqa was-sila wal-ma'ruf wal-ihsan ila an-nas 'inda rijlayhi. Kadhalik toutes les bonnes œuvres qu'il a fait avec les personnes, min al-ihsan wal-rahma wal-ma'ruf etc. vers ses pieds. Fayu'ta min qibal ra'sihi, fa taqulu as-salat ma qibali madkhal. Al-'adab, il voudra toucher cet homme du niveau de sa tête. As-salat, elle bloque. Elle dit là, il n'y a pas de passage par la tête. As-salat. Tes œuvres, elles te seront utiles. Hakada as-siyam wa zakat ila akhir. Ce hadith, on le cite pour montrer l'importance des a'mal. Fal-istiqam. As-sunnah. Al-a'mal saliha. C'est ça, as-sabab al-azim. Amma, t'es riche ou t'es pauvre, tu appartiens à telle famille, tu es de telle couleur. Tout ça, ça t'est aucune utilité. Indallah, inna akramakum indallah. أتقاكم فلنشتهي جميعا في فعل الخيرات ولنحذر من الأفكار والمعتقدات والأعمال qui contredisent notre din. Leur liberté الآن et leur combat contre l'islam au nom de la démocratie, de la liberté, في قبرك ça te sera d'aucune utilité. أما في الدنيا, ils essayent de faire croire الآن, si tu délaisses l'islam, tu seras libre, tu auras telle chose, la liberté de la femme, toutes ces khurafat. في قبرك, tu seras tout seul. Est-ce que tu as eu ces a'mal là? La démocratie, la liberté, la laïcité, ça te sera d'aucune utilité fi qabrik ayyuha al-muslim. Wa ta'ammal al-an hal al-kuffar. Fi hadith al-Bara da'iman. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa inna al-'abd al-kafir idha kana fi inqita' min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama' mala'ikatun sud al-wujuh ma'ahum al-musuh. Ay un vêtement khashin. Al-mu'min, c'est des anges avec un visage rayonnant, une bonne odeur, avec le kafan, ce tissu avec une bonne odeur pour l'envelopper. Al-kafir, al-malaika, ils ont un visage noir. Wa ma'ahum al-musuh, ce vêtement. Fayajlisuna minhu madd al-basar, thumma yaji'u malak al-maut, hatta yajlis 'inda ra'sihi fayaqul. Malak al-maut, il vient au niveau de la tête de ce kafir qui vient de mourir. Fayaqul ayyatuha an-nafs al-khabitha khruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Ça commence l'an. Ce kafir qui se moquait, qui avait de l'orgueil, qui ne croyait pas, il se croyait intouchable, la première phrase qu'il entendra, « قال أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب » سخط وغضب. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en colère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas ce abd. « قال فتفرق في جسده » تفرق, cette âme, elle ne veut pas sortir. تفرق في الجسد. Elle essaye de se sauver dans ce corps. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود, c'est comme le crochet chez les bouchers pour accrocher la viande. مبلوك, toi, ce crochet en ferraille, tu le mets au milieu de صوف, et de la صوف معروف مبلول, mouillé. Et comme de la peau de mouton, مبلول, mouillé. Ou كذلك الشوك quand il tombe, tu as du mal à le retirer من الصوف. فهكذا نفس الكافر. حتى cette sortie elle est بتعب et مشقة. لماذا؟ لأنه il a fait du mal في حياته الدنيا. قال فيأخذها أي ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. Jifa, c'est une bête morte. L'odeur de la bête morte, fahoua, ce nefs de ce kafir, elle est antenne, et elle sent encore plus mauvais. Fayas'adouna biha, fala yamurruna biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadha ar-ruh al-khabith. Quand cette âme elle monte avec ses mala'ika au niveau du premier ciel, les anges ils demandent c'est qui cette âme al-khabith, mauvaise odeur, men. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils arrivent au niveau de dunya et ils demandent l'ouverture, la permission. Ils n'ont pas la permission de monter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lu le verset « La tufattahu lahum abwabu s-sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat » Ils rentreront pas. Fil jannah abadan. Et les portes du premier ciel, ils ne seront pas ouverts pour eux. Ils ont combattu l'islam, ils ont combattu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu faire d'efforts. Al-an, ça commence le châtiment. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق المشرك الكافر أن الستم elle sera jetée في قبره ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء يطمغى de le niveau qu'il avait sama fa takhtafahu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih hakadha al-kafir et compare avec le hal du mu'min qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fatu'ad ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakan il est dans son corps et deux anges y viennent pour l'interroger comme le mu'min fitnatul qabr ça te montre que les questions c'est pour le mu'min ou le kafir c'est une épreuve pour tout le monde فيجلسانه فيقولان له من ربك c'est qui ton رب الآن في الدنيا il s'écartait il voulait pas il combattait il se sentait libre j'ai le choix الآن t'es obligé de répondre من ربك فيقول ها لا أدري il peut pas répondre il a fait aucun effort mais il combattait il détestait cette chose الآن il peut pas répondre ها لا أدري je ne sais pas فيقولان له ما دينك c'est quoi ton din il peut pas dire l'islam لانه il a combattu l'islam il déteste l'islam الان il voudrait voir il pourrait répondre il espère لكن il peut pas ما دينك فيقول ها لا ادري الله اللي وفق pas il pourra pas répondre فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم c'est qui cet homme qu'on a envoyé Cet homme dont le kafir il se moquait, ou il détestait, ou il éprouvait pas de la rancœur envers ceux qui le combattaient et qui se moquaient. Ça c'est aqal al-ahwal. Et il ne suivait pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne croyait pas en son message. Ça c'est qui cet homme ? Fayaqul ha la adri. Fayunadi munadin min as-sama. Les questions elles sont finies. Une voix. Il entend une voix. Fayunadi munadin min as-sama. An kadaba fafrishu lahu min an-nar. Il a menti. Il n'a pas pu répondre. Il n'a pas su répondre. فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ Et il en, ça tombe, il va commencer à goûter le châtiment de l'nar, du feu. وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ Une porte, elle s'ouvre en direction de l'nar, de l'enfer. Il va ressentir l'un, la chaleur, les mauvaises odeurs. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا Et c'est un rire, har, un vent chaud, brûlant, مِنَ النَّارِ وَيُضَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفْ فِيهِ أَضْلَاعُهُ Aïe, sa tombe, elle va être tellement étroite que ses côtes, elles vont se briser. Bi sabab dhalik. قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولَ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُؤُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ Ce jour, c'est ça que tu mérites. Cet homme, avec cette mauvaise odeur, son mauvais visage, il tient compagnie à ce kafir. فَيَقُولْ مَنْ أَنْتْ Il dira مَنْ أَنْتْ T'es qui فَوَجْهُكَ الْوَجْهَ الَّذِي يَجِئُ بِالشَّرْ Et ton visage, il inspire le mal. فَيَقُولْ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثَ Et c'est ce que tu mérites, je suis tes œuvres. Ton kufr, ton shirk, الزِّنَا, الرِّبَا, l'alcool, la drogue, ton combat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton insulte envers le mu'minin, ta moquerie, t'avais aucune limite, فَالْآنَ أَنَا عَمَلُكَ Tout ce amal khabith, il te tiendra compagnie. فَيَقُولْ Et ce kafir, il dira, رَبِّي لَا تُقِمْ سَعَ Vous avez remarqué, أَيُّهَا الْإِخْوَ أَنَّهُ يَقُولْ رَبِّي Il sait l'âne. L'âne, il ne se moque plus, il n'insulte plus, il ne se sent plus libre. لِأَنَّهُ Il n'est pas libre. Il est fiqabré. Qui sait qui peut le sortir de cette tombe, l'âne? Qui sait? Famille, enfant, un parti politique, une nation, abatan, wahda, fayaqul rabbi la tuqim as-sa'a, لان il sait que ce qui vient c'est ashad, alors qu'il est fi adab, il est fi adab l'an, انه il est châtié, لكن il sait que ce qui vient ça sera plus fort, ça sera encore plus terrifiant, plus dur, fayaqul rabbi la tuqim as-sa'a, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que le jour de la résurrection il ne vienne pas. الحديث رواه الإمام أحمد et il est fil jami' al-sahih l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullah alayhi wa fi hadith Anas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal wa amma al-munafiq wal-kafir fa yuqal lah ma kunta taqul fi hadha ar-rajul qu'est-ce que tu disais de cet homme fa yaqul la adri kuntu aqul ma yaqul an-nas ay je disais comme disaient les gens fais attention de ne pas suivre aveuglément fais attention les idées qui sont propagées l'un. Et nous, on insiste sur la démocratie, la liberté. Les anna, ils combattent les musulmans avec cet an. T'es un mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un messager, il lui a révélé le Coran. Comment délaisser tout ça et prétendre suivre leur démocratie, leur laïcité? On n'est pas des animaux, on n'a pas besoin d'être modernisé, d'être déradicalisé avec leur kufr. Nous, on est des mu'minoun, on a des sources, on a des bases. Et walillahi alhamd, on sait où qu'on va, on sait ce qui nous attend, on n'a pas besoin de leurs choses. On sait ce qui nous sauve. Fi dunya wal akhirah, c'est l'islam. Fayaqul la adri kuntu aqul ma mithl ma yaqulun nas. Je disais comme ils disaient les gens. Fais attention kadalik que ce islam ça devient pas un islam de coutume. On te dit ya akhi al-karim, fais attention ça, mais mes parents ils font. Dans mon pays ils font. Les gens ils font. Ittaqillah. Tu seras questionné sur cet homme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa suis-le. Tu seras pas interrogé est-ce que tu as suivi les gens amla. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الرسول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يلي غير ثقلين. Quand tu répondras pas aux questions, les deux anges ils le taperont avec hadhihi al-mitraqa comme une massue min hadid et il criera, tout le monde entend ses cris sauf les êtres humains et les djinns. Adab. Al-hadith il est muttafaqun alayh et dans une riwaya inda Abi Daoud law duriba biha jabalun la sara turaba. Si une montagne elle aurait été frappée avec cette massue, elle deviendra poussière. Et ce mujrim, ce kafir, il sera tapé avec cette massue. فَمَا الَّذِي سِكُوَ الْأَنَ الَّذِي أَوْقَعَ هَؤُلَا فِي هَذَا الْحَالِ. On se pose la question l'an. Pourquoi cette différence entre le mu'min et le kafir? الآن حالة صعبة شديدة ضيقة. قال الله جل وعلا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. أي عند الموت الكافر ملائكة بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ. Et les malaïques, ils sont prêts à les frapper. Sortez. Et cette âme, qu'elle sorte l'âme. Tujzawna adab l'houn bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra l'haq wa kuntum an ayatihi tastakbiroun. Deux causes. Pourquoi ce kafir, l'âne, il est châtié. Awalan, il mentait sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que t'entends l'âne. Annahum, ils font passer l'islam, wa sunna, wa salaviyya pour de la barbarie, pour des terroristes. Et ils savent très bien que c'est du kadib. Ils savent très bien que l'haq, c'est l'haq. Ils savent très bien que ma ja'a bihi ar-rasul c'est le haqq, ya'rifunahu kama ya'rifuna awladahum, lakin al-bughd, la haine, la rancœur envers l'islam et les musulmans. Qala jalla wa la wa kuntum an ayatihi tastakbirun, كذلك الكبر. Des choses claires avec une preuve claire, lakin al-kibr. Fa as-sabab c'est le kufr, as-sabab c'est le takdhib, as-sabab c'est l'istihza bil anbiya wal mu'minin. C'est ça la cause. C'est la mécréance, c'est l'i'rad, le fait de se détourner, de se moquer. Fahadr, ayyuha l'insan, qabla fawati l'awal. Fais attention, on n'est pas à l'abri. On n'a pas la garantie qu'on mourra à l'iman. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala thabat, wassalam. On n'a pas cette garantie. On doit faire des efforts. Et celui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera. On doit faire des efforts. يقول الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. الكافر quand il verra بأسنا هنا أي le châtiment d'Allah سبحانه وتعالى quand il verra ces deux anges qui le frappent, qui lui posent des questions, قالوا آمنا بالله وحده, ils diront on a cru. C'est fini les insultes, la moquerie, tout ça c'est fini. Ce kafir il dira je crois. قال عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لكن الله سبحانه وتعالى démontre c'est trop tard. Il y en a ces choses En tant que mu'min, en tant que croyant, ça fait partie de l'invisible. C'est pour ça qu'on dit un musulman, un mu'min, un croyant. Tu crois en quoi? En l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, ses livres, tout ce qui est lié avec le paradis, l'enfer, la tombe. C'est ça le mu'min. Amma, une fois qu'il a vu, il a cru. Ça lui est d'aucune utilité, indallah azza wa jal. Cette pensée qu'ils ont, je vois pas, je crois pas tant que j'ai pas vu, c'est d'aucune utilité. Al-an, t'as vu et tu crois, et c'est pas utile. Qala azza wa jal, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun. Al-an, le kafir, il est perdant. كذلك أخي المؤمن إيه نكونكلو بهذا احذر من المعاصي في attention لأن كذلك certains مؤمن ils se font châtier dans leur tombe même si c'est des musulmans un châtiment par rapport à certains péchés si Allah سبحانه وتعالى leur pardonne pas لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ça montre qu'un certain mu'min, ils se font châtier à cause de certains péchés. Parmi ces péchés, an-namima wa adam at-tanazzuh min al-bawl, comme dans le hadith d'Ibn Abbas. Parler sur les gens la médisance et كذلك ne pas se nettoyer après avoir uriné. Fi hadith Ibn Abbas, an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra ala qabrayn. Le prophète sallam il est passé devant deux tombes. Fa qala innahuma la yu'adhdaban. وَمَا يُعَذَّبَانَ فِي كَبِيرٍ. Ils se font châtier. Et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand, d'énorme. قَالَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرْ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرْ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. فَحْذَرْ. Fais attention. Parler sur les gens, ça ne sert à rien. أولاً, c'est de la lâcheté, les gens, c'est par derrière. Et ثانياً, c'est une cause d'adab. Celui qui a quelque chose à dire à son frère, il lui dit en face, il le conseille. أَمَّا الْغَيْبَ وَالنَّمِيمَةِ. C'est contre toi. كذلك, ça montre que l'islam, il nous appelle à la propreté. Al-istithar min al-baw. Et celui qui urine, il se nettoie, comme il nous a démontré le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. كذلك, من المعاصي, هجر القرآن, الكريم, ورفضه. كذلك, النوم عن الصلاة, المكتوبة. Comme c'est cité dans le hadith Samura, أن des anges, ils ont pris le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui montrer le châtiment de certaines personnes. Parmi ces personnes, qala amma alladhi yutlaghu ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudh al-Qur'an fa yarfudhu wa yanam 'an as-salat al-maktuba. Ay cet homme que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu son châtiment, annahu sa tête allait écrasée par des pierres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu cet homme, il a demandé à ses anges qu'est-ce qu'il a fait. Ils lui ont répondu hada ya'khudh al-Qur'an fa yarfudhu. Il connaît le Coran, mais il le délaisse, il ne l'applique pas. كذلك, il dort عن الصلاة المكتوبة. L'heure de la salat, il ne fait pas sa salat à son heure et il dort. Et كم من المسلمين الآن يضيعون صلاة الفجر. Sans aucun motif. أنهم dorment et ils la font quand ils se réveillent. C'est une cause de l'adab. فاحذر. كذلك, من المعاصي المنتشرة الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم, كما في الحديث, il a vu. قال وأما الرجال والنساء العراء الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم il a vu التنور comme un four et des hommes et des femmes nus ils étaient dedans en train de brûler et ils criaient. النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé c'est qui هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات قال فأطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراء وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. C'est ça le adab. Des flammes d'en dessous qui les brûlent, des hommes et des femmes nues. Quand il a demandé aux anges, ils lui ont répondu, c'est ceux qui font zina. والعياذ بالله. فالأمر, il n'est pas سهل. كذلك, أكل الربا. Manger et profiter de l'usure. Al-riba. Que ce soit avec crédit ou autre. Tout ça, al-muslim, yahvar. Fa al-hasil, anna al-mu'min, qui aime le khayr, yata'awad min adab al-qabr. Kama fi hadith Aisha. Anna al-rasoula, sallallahu alayhi wa sallam, kana yad'u fi salat. Chaque salat, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris ce dua اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال إلى آخره. Donc النبي صلى الله عليه وسلم nous a appris ce dua, لماذا؟ لأن الموقف il est خطير. Cette première étape elle est pas simple. Celui qui réussit cette première étape, tout ce qui vient après ça sera bon. Celui qui réussit pas, نَدَمٌ وَخَسَارَ وَحَسْرَ, c'est les regrets, c'est le châtiment et c'est d'aucune utilité. قال مالك بن دينار رحمه الله عجبا لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده كيف تقر بالدنيا عينه. مالك بن دينار un imam parmi les imams de l'islam يقول عجبا, et il est étonné celui qui sait qu'il va mourir et il sera placé dans ce trou, dans cette tombe, comment il veut profiter que de dunya, et ce qui l'intéresse c'est que de dunya. وكيف يطيب منها عيشه. Non, c'est que son but, il veut profiter que de ça. Alors que ce qu'il l'attend, et tout le monde y passera. Homme, femme, musulman, kafir, noir, blanc, tout le monde y passera. Toujours on se rappelle hadith Anas radiyallahu anhu, يَتْبَعْ الْمَيِّ الثَّلَاثَةَ فَيَرْجِعْ اِتْنَانُ وَيَبْقَ مَعَهُ وَاحِدْ. On passera tous par cette étape, la mort, et sache que trois choses, elles te suivront. قال النبي صلى الله عليه وسلم يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ. C'est bien. Sa famille et ses œuvres. Trois choses qui le suivent. قال فيرجع أهله وماله. Sa famille et ses biens y reviennent. ويبقى عمله. Et في حديث البراء, ce عمل, il sera en compagnie de ce mort. إن خيرا, enfin, ça sera un homme avec une bonne odeur, avec un beau visage. Et إن شرا والعياذ بالله, un homme avec ce visage de شر et cette mauvaise odeur. يقول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. أي après la tombe, cette étape, كذلك الحساب. Inch'Allah, on essaiera de traiter le sujet de la résurrection et le jour du jugement dans un prochain dars. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.